Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Bras le corps. Il est important de préciser pour bien comprendre ce qui suit que la personne qui témoigne ici est une personne racisée. 1, 2, 3. La rage de l'expulsion. En ce matin hivernal, nous sommes quelques personnes répondant à l'appel urgent de contact pour soutenir les familles et personnes seules de l'expulsion en marche de la zone libre connue et tenue depuis 2019. À peine arrivés, le constat est dur. Environ 10 camions de CRS, les uns derrière les autres, bloquant le site. Après avoir balayé le parking, nous entreapercevons l'écart scolaire. Les hypothèses peuvent commencer ainsi que nos craintes. Quelle direction vont prendre chaque bus? Et quelles familles et personnes seules vont devoir y monter de force? Le moment n'est pas de s'épancher trop longtemps sur ces questions sans réponse, pour l'instant, mais bel et bien de rentrer dans le lieu. Enfin, tenter est plus approprié que rentrer dans le lieu vu le déploiement des forces de l'ordre. Après plusieurs manigances et tentatives de passer outre ces obstacles humains, en bleu et immonde, nous nous arrêtons. Personne ne passera, le message est compris. De par notre position, nous aurons des choses à faire, que ce soit des négociations, si tant est que cela soit possible, ou transmettre des informations aux personnes à l'intérieur du site et aider les personnes qui sont davantage au fait des procédures. Et puis, faire front commun contre l'ennemi en bleu. 1, 2, 3. La rage est bien présente. Aux premières loges, j'ai tout autant envie d'être violente que le sont à notre égard. Je passe d'un visage inexpressif à un autre, aussi aisément que quand il gaze, tape et expulse. Nous sommes aux antipodes, à des extrémités de position que ça en devient intenable. Je l'ai des visages si forts que ma haine dessine les contours et remplit mes iris tout en dilatant mes pupilles. Non loin, le ton monte. Et qu'est-ce que je n'entends pas? Vous serez bien content de nous avoir au moment des attentats. Sidération. Voilà comment un des membres de la gendarmerie nationale légitime leur comportement raciste et sans once de scrupules, une expulsion de familles et personnes seules en temps de crise sanitaire en plein mois de février. Il est fier de lui, de son métier. Le ton monte d'un cran. Le blanc en face de moi, que j'observe depuis 5 minutes, n'attendait que ça. Il n'est pas venu pour attraper froid en faisant un barrage humain avec ses frères d'armes. Il veut en découdre, et cela se sent. Il alterne entre regarder sa matraque et son pote de droite. Rien de subtil. Semblant de rien, nos corps sont poussés violemment. J'aide une personne qui a 2 doigts de tomber. Et sur notre droite, un camion de CRS s'amuse à faire gronder son moteur. Technique d'intimidation à son apogée, on crie, on les déteste. 1, 2, 3. La rage me prend aux tripes. Les corps s'éloignent, mais jamais s'inversent d'emplacement. Eux dos à la zone libre et nous face. Ce qui montre une fois de plus leur mépris, et ils illustrent parfaitement l'expression « tourner le dos ». Tiens, une personne racisée dans l'équipe des Bleus. Je suis... Ah ! Ils tentent de s'adoucir au moment où nos regards se croisent. Dégoût. Tu ne seras jamais mon allié. Jamais. Je lui fais comprendre du mieux que je peux. La communication non-verbale est enclenchée. Je lis une forme de tendresse chelou et je lui rétorque « Tu me dégoûtes ». Je maintiens le regard pendant 3-4 minutes en divulguant le message « Tu n'es pas mon allié, je ne suis pas la tienne. Jamais, tu me dégoûtes. » Derrière eux, d'un coup, d'un seul, on voit nos alliés. Nos corps s'attirent comme des aimants de solidarité. Sans vraiment comprendre, nous sommes réunix, mais encerclex. D'un seul coup, nos corps sont comprimés. J'entends mon ami crier de douleur. Mon corps est contre ceux de deux machines bleues, armées jusqu'aux dents et formées à la guerre. Le déséquilibre est à son comble depuis le début. Je me sens décollée. Pourquoi j'ai arrêté la self-défense? Vraiment. J'atterris contre l'arrière d'une voiture. Comprimée entre elle et une autre personne sur mon flanc gauche, il y a un CRS qui me prend le peu de place qui reste. La respiration est difficile. J'ai envie de me dégager, mais impossible. Un coude bloque mon cou et lui-même est appuyé par le coude d'une machine bleue. Toujours eux. 1, 2, 3. La rage de lutter. À l'instant où une personne qui m'est familière me voit, la pression des membres s'estompe pour disparaître en suivant, afin de libérer ma respiration ainsi que mon cou. Mon regard se dirige vers lui et n'a que de la reconnaissance. J'en profite pour lui témoigner mes remerciements, mais cette fois par écrit. On se croisait plus qu'on se parlait, mais tu étais là et déterminé à me dégager, comme si nous avions partagé et traversé tant bien des moments agréables que d'épreuves pour me soutenir coûte que coûte, comme tu as pu le faire. Un merci est trop faible, mais je vais le redire autant de fois que nécessaire. Car face à cet épisode, je n'ai pu m'étaler de manière conséquente. Alors merci, merci à toi. Sans crier gare, tout se remet à nouveau en place, si je puis dire, déstabilisant. Et soudain, un propos des plus vrais mais des plus troublants m'est adressé, déstabilisant again. Je dois partir, m'éloigner un peu, marcher. On nous explique que certains ont réussi à pénétrer dans le squat par l'autre endroit, par l'autre entrée. Nous décidons de tenter notre chance à notre tour. En chemin, une personne se fait contrôler sans raison. Des personnes filment la scène. Nous constatons que notre présence n'était pas nécessaire, alors on poursuit notre chemin pour rejoindre quelques copains de l'intérieur. Trop tard. Le CRS face à nous clame d'un ton sec négatif. Après moult feintes de notre part pour franchir la grille qui nous sépare de nos amix. 1, 2, 3. La rage nous pique les orifices. Nous rebroussons chemin pour atterrir au même endroit. Une odeur forte de gaz se ressent. Vu la tension et l'air gazéifié, ça vient d'arriver. Les aides se multiplient auprès des personnes dans le besoin. Seuls eux qui doutent remettent en question critique, l'acronyme anglais ACAB. Toujours du même avis. L'attente. Le jour se lève progressivement. L'attente. Et encore l'attente. Des sacs commencent à se dessiner parmi le barrage des machines bleues. Des familles et personnes seules arrivent vers nous, enfin plutôt se dirigent vers l'écart scolaire sans pouvoir faire autrement. Des bribes d'informations, conversations nous font comprendre que des planifications d'action sont en train d'être réfléchies. Nous échangeons avec les personnes que nous croisons tout en communiquant avec nos adelphes. Au besoin, faire les médiatrices entre les situations relevées par LE et les personnes avec qui nous pouvons trouver des solutions. Gazex, une seconde fois, pour Certinx. Une arrestation. Une personne se fait courser violemment par un nombre indécent de CRS gendarmes. On crie, on les déteste. 1, 2, 3, la rage dévastatrice. La tension redescend et les affaires personnelles s'entassent hors de chez elle. Nous décidons de repartir pour rejoindre l'autre entrée afin de voir nos amix et aider au soi-disant déménagement. Une connaissance me demande de garder des affaires d'une famille sur le trottoir. Une femme s'approche, nous explique que c'est à elle et à sa famille. On sympathise, nous explique leur situation. À cet instant, de petits êtres s'approchent de nous. Et voilà que débute une relation des plus sincères à leur contact. Le temps défile sans que nous maîtrisions rien, à l'image de cette expulsion. Les seules choses que je retiens, violence, racisme, les droits inaliénables bafoués. Et à peu de choses près, j'aurais pu être l'une de ces personnes. Brip de jeudi matin. Les bus étaient déjà garés. Plus qu'on n'a jamais pu en trouver pour des voyages scolaires. Quelqu'un, quelqu'une, dit. Il fait froid. Presque pas un bruit. Même pas 6 heures pétantes, des énormes camions. Balles bien organisées. Se stoppent. Limite, ils font pas un drift. Descendent les escadrons de clones en noir. Casques, bottes, matraques. Ils se répartissent à chaque entrée. On fait pâle figure à côté. Visage fermé pour ceux qu'on discerne. Homme robot. Il se poste un temps, et puis un chef dit « Bon, c'est parti. On sait déjà que c'est foutu, mais bon pour la forme, rien que pour tenter, pour pas se contenter de l'impuissance. » J'interpose mon corps, j'essaie de les pousser. Je balbutie un truc genre « C'est des êtres humains, bordel, vous pouvez pas faire ça !» Une main attrape mon sac, me soulève, me jette sur le côté. Je reviens, de nouveau, je reviens, encore de nouveau, plus violemment, je tombe dans la boue. De toute façon, c'est bon. Et elles sont entrées. Ils savent où ils vont. Vers les Kajibis d'abord. D'autres mini-escadrons entrent de part en part. Il n'y a toujours presque pas de bruit. Pas un cri. Côté militants, bénévoles, on nous demande de nous poster dans les différentes maisons où sont rassemblées les familles. D'attendre l'huissier et les flics. De bien checker leurs moindres gestes. De filmer. D'enregistrer. Casser les couilles pour que tous les meubles soient bien annotés. On erre, on monte en dessin. On les voit partout. Je pense à tous les moments de vie que j'ai vus là. Je bloque tout. Je repense aux bouquins, aux films que j'ai pu voir sur les déportations. Ah, le fameux traumatisme 40-45 qui frappe encore toutes les consciences et remue un peu tout le monde aujourd'hui. Les déportations qu'on nous enseigne à l'école, dans les reportages et où monsieur, madame, tout le monde s'indigne en se disant « Mais comment la population a pu laisser faire ça ?» Je me rappelle comment j'avais été choquée. Quand j'avais lu tous ces bouquins, quand j'avais appris tout ce qui s'était passé. Et puis après, je m'étais renseignée sur la colonisation, sur tous les autres mouvements, sur toutes les autres déportations qui sont aussi partout dans le monde. Je m'étais dit, mais en fait, ça existe encore. Mais toujours les mêmes questions, sur toujours les mêmes événements, les mêmes génocides, les mêmes dictatures et les forces de l'ordre. Comment est-ce qu'on se justifie à soi-même d'obéir à des ordres pareils ? Toc, toc, toc, fort, net. Il va falloir partir. Entrée, sortie, il y en a quand même qui s'adressent à nous. On n'est pas les méchants, hein. Vous, vous pensez envoyés par une mission divine, mais vous en faites pas plus. Moi, j'ai déjà des enfants à m'occuper. Un gamin demande. Je peux emmener mon vélo ? Un uniforme rigole. Non, mais tu peux garder ton casque si tu veux. Le gamin monte dans le bus, le casque sur la tête. Et puis des « Vous inquiétez pas, vous allez être dans des maisons, ce sera bien mieux. » Pas de honte, pas de limite au cynisme. L'huissier entre, fait le tour de la pièce. Reste lit, commode, placard, meubles. L'avocat lui demande à ce que tout soit noté. L'huissier. Enfin, mais vous voyez bien que c'est vide. Quelques mètres plus loin, homme-robot. Pourquoi on n'entre pas, là? Il y a un homme en fauteuil. On n'en a rien à foutre. Ah, on filme. On enregistre. Et tout au long de la matinée, pour la même personne. C'est quelle nationalité? Géorgienne. Ok, une personne de l'OFI va venir. Il est seul? Non, avec sa mère. Pas grave. C'est quelle nationalité? Géorgienne. Ok. Bon, une personne de l'OFI va venir. Il est seul? Non, avec sa mère. Pas grave, on le met quand même dans le bus. C'est pas habilité. On va le porter et l'y mettre. Et encore. Quelle nationalité? Géorgienne. Il est seul? Avec sa mère. Ses papiers. Elle est accompagnante, mais la préfecture bloque tout depuis le Covid et ne délivre plus de récépissés. On n'a que l'accusé de réception de la relance de demande. Sans document officiel, madame est en situation irrégulière. Mais puisque la préfecture ne délivre plus rien. Baissez d'un ton. On peut même pas parler avec vous, puisque c'est comme ça on s'occupe plus de votre cas. Quelle nationalité? Géorgienne. Il est seul? Avec sa mère. Il peut pas du tout bouger et monter dans le bus. Il est en fauteuil, il a un traitement très spécifique. Toute une prise en charge très précise, des rendez-vous sur Bordeaux. Mais sa mère, elle peut partir. Hors de question de les séparer. Quelle nationalité? Quelqu'un de l'OFI va venir. 7h. On entend que ça gueule à l'extérieur. Message sur signal. Ça a gazé sévère. Des gens se sont fait embarquer. Quelle nationalité? Géorgienne. Il est seul? Avec sa mère. Les papiers de madame, ils sont où? Quelqu'un de l'OFI va venir. Partout. Prenez le minimum. Toc, toc, toc. Il va falloir partir. Laissez-nous faire notre travail. Sortez. Prenez leurs affaires. Nous, on est des exécutants, madame. Allez, venu. Les affaires de dehors à devant. Les camions de déménagement arrivent. Les gens attendent, sur le seuil des portes. Fait froid. Peu à peu, ça fait monter dans les bus. Toc, toc, toc! Des militants disent. J'ai entendu Charente. Moi, Toulouse. J'ai entendu dire qu'ils parlaient d'aéroport. Apparemment, ils vont raser tous les bâtiments cet après-midi, juste après. Comme ça, ils auront un beau terrain vague qui restera comme tel pendant 3 ans. Toc, toc, toc! Il va falloir partir. Vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous là-bas. Message sur signal. Impossible de rentrer maintenant. 8h20. Quelle nationalité? Géorgienne. Il est seul? Avec sa mère qui est là. Il peut pas partir du tout. On vous envoie une personne de l'OFI. Toc, toc, toc! Une femme en uniforme. Grosses bottes, gros manteau, gants capitonnés. Quelqu'une s'adresse à elle. C'est une tenue de ski, ça? Sourire sous le casque. C'est ma tenue de squat! Toc, toc, toc! Vous avez pas honte? Comment vous pouvez faire ça? Vous savez où on les envoie? C'est pas notre problème. On n'est pas payé pour penser. Laissez-nous faire notre travail. Je sors. Je vois la montagne de meubles, lits, commodes, placards, chaises, tables jetées à l'extérieur. Des bouts de tous les intérieurs, jetés en vrac, fracassés, prêts pour la pelleteuse ou un bon gros bûcher. Toc, toc, toc! Ça continue d'aller venir, de faire monter les gens. Les bénévoles se relaient pour aider à faire passer les affaires de main en main. Des valises s'ouvrent, c'est lourd. De part en part, des regards sous les casques qui encadrent. Pas un geste, pas un coup de main pour porter les affaires. Presque comme si toucher à ça contaminerait leurs mains gantées. « Allez plus vite !» Une militante trébuche. Les affaires tombent au pied d'un clone en noir. Pas un geste. Un peu partout, des familles confient des affaires à des bénévoles. Leurs courses alimentaires, des affaires personnelles qu'elles ne pourront pas emmener. 9h. « Quelle nationalité ?»« Géorgienne. Il est seul ?»« Avec sa mère. »« Et madame, elle a pas de papier. »« Vous savez bien que la préfecture ne délivre plus rien. » Baissez d'un ton, c'est pas possible, on peut pas parler avec vous, on vous envoie quelqu'un de l'OFI. Et vous sortez là, laissez-nous faire notre travail. Non, non, non, non, non, on reste là, on vous laisse pas seul avec eux. On vous a demandé de sortir, nous obligez pas à employer la force. On peut sortir de la pièce, mais on reste sur la terrasse, la baie vitrée ouverte. On doit écouter, on connaît la situation. Monsieur est polyhandicapé, il a des soins intensifs sur Bordeaux, il peut pas être envoyé ailleurs. Quelle nationalité? Géorgienne. Il est seul? Sortez, laissez-nous faire notre travail. On peut pas être aussi nombreux dans cette pièce, sortez. Disent les 8 CRS face à 2 bénévoles, une femme géorgienne et son fils en fauteuil. Poussés dehors, on garde la porte vitrée entrouverte. Ils nous repoussent. Nos corps se mettent en travers. Ils poussent, j'insiste. Ils me poussent. Me touchez pas, me poussez pas. Vous, vous poussez pas. Mais je pousse rien du tout, je reste avec mon ami. Je suis sortie, je reste à la porte-fenêtre pour écouter. Je connais la situation, je reste pour expliquer. M'obligez pas à utiliser la force. Je reste juste dans l'embrasure de la porte. Ils me repoussent, je résiste. Ces gros gants m'attrapent. Me jette par terre. Mon sac à dos amortit le choc. Debout de nouveau, on s'empresse de remettre nos pieds dans l'embrasure de la porte. Pendant une heure, le vieux poulet au casque continue de forcer avec son dos sur la baie vitrée en ranchonnant. Faut croire qu'on leur rend pas la vie facile à ces pauvres CRS. Peuvent même plus expulser les gens tranquillement. Quelle nationalité ? Géorgienne. Il a quoi, monsieur ? Il est en fauteuil. Presque tous les bus sont partis, on n'attend pas pour mettre monsieur ? Lofi va arriver. 9h45. Dans la porte vitrée, l'autre nous broie toujours les pieds. Laissez-nous faire notre travail. L'associatif, c'est après. Nous, on n'est pas là pour penser, on est des exécutants. J'ai plus de pieds. C'est pas grave. Toujours on filme. On enregistre, on écoute. On fait des vannes entre nous pour se détendre. Assez haut pour que l'autre armoire à glace de l'autre côté de la vitre entende. Il pousse un peu plus avec son dos. Gamin ridicule. 9h50. Une personne de Lofi, enfin. Quelle nationalité ? Il est seul ? Ses papiers ? Ah mais c'est pas un demandeur d'asile, on n'est pas compétent. On vous envoie quelqu'un d'autre. Message sur signal. Presque tous les bus sont partis. 10h. Quelle nationalité ? Georgienne. Des personnes de la préf. Ok, on peut l'envoyer à Angoulême. Mais monsieur a des soins spécifiques ici sur Bordeaux, c'est pas possible. Il est seul ? Sa mère est ici. On cherche une interprète. Il peut partir seul ? Non. L'avocat appelle l'équipe du CHU de monsieur. De toute façon, il y a des hôpitaux aussi à Angoulême, hein, c'est tout ce qu'il faut. Monsieur a un suivi spécifique ici. Il peut vraiment pas partir ? Non. Est-ce qu'on laisse partir l'autre bus ou on met monsieur dedans ? C'est pas homologué. À Angoulême, vous serez très bien pris en charge, monsieur. Nous. C'est pas possible. L'autre force un peu plus la baie vitrée. Je vanne. Waouh, jamais été aussi concrète la force de la censure. Mon meilleur pote et moi, dans cette baie vitrée, y a plus que ça pour pas péter les plombs. On sent plus nos chevilles. Tant pis. Tu le sens le pays des droits de l'homme, là ? De nouveaux uniformes entrent. Incroyable la capacité d'accueil de cette petite pièce. Il doit y avoir des dérogues aux mesures Covid pour les expulses. Quelle nationalité ? Et les papiers de monsieur ? Et les papiers de madame ? On cherche une solution de logement accessible en fauteuil. Angoulême, vous êtes sûr que c'est vraiment pas possible ? L'avocat. Mais puisque même l'équipe du CHU dit qu'il faut que monsieur reste ici. Calmez-vous, monsieur, on fait notre travail, on cherche une solution. On peut vraiment pas parler avec vous. 10h05. On a une chambre d'hôtel à Aisine. Ça reste loin. Pas d'autre solution. Faut que ce soit vous qui ameniez madame et monsieur, en voiture par contre, hein. On n'a pas de quoi les transporter, nous. Bah ouais, ça prévoit des expulses, mais ça pensait pas qu'on aurait des invalides. Des bénévoles. C'est bon, on s'en occupe. On prend leurs affaires, c'est parti. Nous, de l'autre côté, on essaie de rouvrir un peu la baie vitrée. Vous, vous rentrez pas. Mais faut bien qu'on les aide à prendre leurs affaires. Vous, vous rentrez pas. Madame a toutes ses affaires à l'intérieur. Vous rentrez pas. Hop, de nouveau tèche dehors. L'avocat réussit à réentrer, prend les affaires. On charge. On part. Bilan de la matinée. Expulsion de centaines de familles en moins de 4 heures. Dispatchés un peu partout en France. Encore 240 personnes sur Bordeaux, sans solution. À l'Athénée municipale, ça râlait. Qui s'en occupe, ces gens-là, désormais ? Eh bien, des jeunes militants, des bénévoles, des voisins, et des retraités. Bien joué, madame la préfète. Si vos services étaient aussi réactifs dans la délivrance des documents et dans la mise à disposition de logements, ça vivait bien pourtant à la zone libre. Ça s'organisait. Ça jouait, c'était scolarisé. Ça faisait même quelques projets. Et maintenant, tout ça ? Dimanche après-midi, des colleuses ont collé contre la préfète. Elles sont vues mettre en garde à vue. Elles viennent juste de sortir. Leurs domiciles ont été perquisitionnés. Elles ont reçu des amendes. La préfète et un de ses sbires ont porté plainte contre elles. J'ai souhaité faire un podcast qui, en prenant comme premier maillon le corps, déploie tout le reste de la chaîne d'analyse sociologique, philosophique, poétique. Un podcast qui interroge ce que sont, ce qu'absorbent, ce que renvoient nos corps aujourd'hui, ce qu'ils renvoient pour nous-mêmes, mais aussi pour et par les pouvoirs en place, étatiques, capitalistes, patriarcaux, etc. Je me replonge dans les analyses de Foucault sur le biopouvoir, le pouvoir du contrôle des corps. Je lis et relis les analyses contemporaines de Preciado, Roberto Esposito, Sam Bourcier, le corps comme fin de contrôle en soi, voir à l'intérieur, détecter chaque signal de maladie, et puis les classer, les catégoriser. Les assigner. Et pour plus de rentabilité, les pousser à s'assigner, se contrôler eux-mêmes. Se déplacer le moins possible. Se voir le moins possible. Prendre l'habitude d'obéir sans même plus questionner l'absurdité de ce à quoi on obéit. Sacrifier les liens sociaux, le deuil. On a proposé à mon ami des obsèques en visio. Sacrifier nos santé mentale, par crainte d'un virus qu'on nous dit redoutable. Mais qui est-ce qui tue qui exactement ? Qui parle des milliards de génocides quotidiens à l'encontre des minorités ? Ces violences, ces génocides qui se perpétuent depuis des siècles dans les chambres à coucher, les foyers, les zones de travail, les zones de conflit comme de fête. Et les milliards de suicidés à force de tous ces phénomènes violents imposés, violences physiques, administratives, économiques, symboliques. trop occupé à contrôler son propre corps, ses propres mouvements, à se perdre dans une quête impossible de tout connaître, tout prévoir sous peine de sombrer dans l'océan de sa propre culpabilité. Et entre deux autosurveillances, on surveille les autres qui nous entourent. On moralise à notre tour. Une pandémie, ça a l'air si neutre. Si, la faute a pas de chance, quoi. On perd l'énergie de lever les yeux et de regarder en face les vrais responsables. Responsables de son origine, de sa gestion catastrophique et de toutes les autres conséquences autrement mortelles et destructrices que cet état d'urgence creuse chaque jour un peu plus et que nous commençons à peine à ressentir. Nous ressentons à peine ce qui se brise peu à peu en nous et entre nous. C'est plus simple de se contenter des gestes barrières pour les gestes barrières, de craindre les amendes quand bien même on aurait les moyens. C'est plus simple de baisser les yeux, de se demander juste en souriant quand les bars, les cafés, les cinémas, les théâtres réouvriront, de se dire que finalement on peut s'y faire. C'est plus simple et peut-être même vital, comme toute autre forme de déni, qu'elle soit par la violence, l'indifférence ou toute substance qui nous aide un temps à mettre à distance, à ne pas confronter notre peur de notre propre impuissance. Car peut-être que, mine de rien, même si on a déjà pas mal perdu, même si on nous en enlève pas mal, on a encore un peu trop à perdre. Pendant ce temps, pendant qu'on se questionne sur le sens et les impacts de tout ça, des questionnements bien sûr tout à fait compréhensibles dans notre monde, pendant ce temps, d'autres corps qui pourtant s'étaient débrouillés pour survivre sont expulsés, sont rassemblés, triés comme de simples objets, leurs affaires sur le pas de la porte, en avant toutes dans les bus, sans savoir même où elles vont dormir la nuit même et toutes celles d'après. Peu importe les amitiés, la scolarité, les troubles de toutes sortes, les attachements en tout genre. Juste des corps traités comme des criminels. Des corps qui dérangent des stats, des politiques. Des corps sans papier car on les leur refuse depuis des mois, voire des années. Car on les balade de service en service, de décret en décret, de promesse en supplice. Des corps qu'on ne veut plus voir. Des corps partis et moi je suis rentrée. Après quelques coups de fil, nous on s'est pris dans les bras. Parce qu'on sait bien que même si on rejette toutes ces cases, ces normes, ces lois qu'on n'a pas choisies, même si on l'est, tous ces uniformes, et que tout ça nous prend aux tripes, même si c'est pas nous qui tirons les cartes, notre jeu restera toujours plus avantageux. Nos corps à nous, ils vont pouvoir rester là encore un peu ensemble. Ils trouveront encore un peu de répit. Peut-être quelques détentions, quelques violences encore, mais ils ne valent pas pareil. C'est ça l'inégalité. Et c'est ça le racisme. Mais on peut encore, chaque fois, gagner quelques victoires, au moins à la marge. Alors s'il vous plaît, bordelais bordelaises, de l'ex, qui écoutait. Continuez à écouter et lire les médias alternatifs indépendants et engagés, et puis venez aider à Darwin et dans les autres lieux qui tentent de trouver des solutions pour les expulser de la zone libre qui sont encore à Bordeaux. Merci à vous. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps.